Hey, I can't find nothing on the radio. Restez chez vous. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait ? Je crois que j'ai remis la radio. La mécanique des ondes. Confinée. Bienvenue dans une nouvelle mécanique confinée. C'est la mécanique des ondes que vous connaissez déjà sûrement, mais fait à la maison. Et pour parler de radio-travail dans cette période d'épidémie du Covid-19, et radio-travail aujourd'hui à Virgin Radio, qui s'est elle aussi organisée dans cette période de Covid-19 et qui en plus organise pas mal de choses, hein. Et justement, connexion tout de suite avec un de ses animateurs pour en parler, Victor. Bonjour. Bonjour Eddy, comment ça va ? Très bien, très bien, entre quatre murs, avec un micro, mais à part ça, tout va bien. Je pense qu'on est tous pareils, hein. Là, effectivement, tu l'as dit, voilà, on continue à faire de la radio depuis chez nous, donc mais c'est sympa, ça a son charme. Hein. C'est vrai, mais je pense aussi à tous les pros de la radio, des grosses radios, pour qui c'est quand même une sacrée expérience, et c'est pour ça que j'ai lancé ce petit podcast, c'est aussi pour en parler un petit peu, parce que c'est quand même assez historique. Ah bah avec grand plaisir, oui, non, c'est assez inédit ce qu'on vit. Moi, si on m'avait dit que j'allais refaire de la radio dans ma chambre, là où je faisais mes maquettes, il y a déjà, bon, je suis pas très très vieux, mais il y a 5 ans, quoi, je me serais dit non, enfin, et puis si, retour dans la chambre d'ado, quoi. Mais pas pour faire la même chose. Non. Heureusement. Heureusement. D'ailleurs, tiens, puisqu'on parle de Virgin, je voulais savoir, toute l'équipe actuellement est en télétravail, hein, il n'y a personne en studio. Ah, il n'y a personne, là, il n'y a pas un chat. C'est-à-dire que Paul est aussi chez lui, Julien pareil, Amandine aussi. Il y a juste le réa du matin, Gaëtan, qui réalise Camille. On n'avait pas le choix. Là, c'était trop compliqué d'amener une table de mixage chez lui et tout. Bon. J'imagine. Alors Victor, déjà pour commencer, donc je te retourne la question, toi comment ça va ? Ah bah moi, ça serait quand même très compliqué de me plaindre. J'ai la chance d'être dans la maison familiale, donc ça veut dire qu'on a plutôt un beau jardin. Donc ça veut dire un petit extérieur où on peut changer les idées quand même, mine de rien, et de pas rester enfermé, comme si j'étais resté à Paris, où là je serais resté dans mon studio de 21 mètres carrés, donc ça fait rêver pas grand monde. Mais il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, donc je pense aussi à eux, j'ai beaucoup de potes qui sont restés là-bas. Donc non, moi ça va très très bien, la radio, voilà, en plus on m'a confié un nouveau projet, donc avec cette émission, donc c'est cool, et puis non, vraiment, moi je suis pas à plaindre. Alors on va en parler de ce projet justement, mais avant d'y arriver, on va commencer par le premier jour, le 16 mars dernier, le confinement a été annoncé dans toute la France. Est-ce que à ce moment-là, tu savais que tu allais te retrouver chez toi avec ton micro ? Alors je savais, oui, parce que nous on a eu la chance que Fredo, du coup le boss, prépare tout en avance. Donc il avait déjà prévu que le lundi soir à 21h, je ne revienne pas à la radio le lendemain. Donc on est parti avec tout le matos qu'ils nous ont filé et de base je devais m'installer mon petit studio finalement dans mon studio à Paris. Mais j'ai préféré quand même retourner à la campagne, mine de rien, on y est mieux. Ouais, tu as eu le temps quand même de faire le déplacement jusqu'à ta Normandie natale. Ouais, bah je suis parti le matin à 8h et je crois que le couvre-feu c'était midi, quoi. Ah oui, justesse. Ah ouais, c'est arrivé 59, il y a les cloches du village qui ont sonné, j'ai fait ok, je suis arrivé. Ouais, puis à part ça, pas trop de problèmes de connexion, ça va, tu as tout le débit qu'il faut, je pense, pour réussir à faire ton émission dans de bonnes conditions. Ouais, alors le débit, non, ça a été aussi la seule source de conflit avec mes parents, c'est leur dire, vous voulez pas investir un peu dans Internet, quelque chose qu'on voit un peu, mais ça l'a fait, on arrive à faire l'émission, donc c'est cool, quoi. Et alors justement, tu parlais d'un projet en plus, un projet qui était mis en place à l'antenne, c'est le 25 mars dernier, hein, je me plante pas. Ouais. C'est une émission que tu animes 2 heures chaque jour, qui s'appelle Tous Ensemble. Alors, présente-nous un peu cette idée. Alors, c'est Toujours Ensemble. Toujours Ensemble. C'est le hashtag qu'on utilise aussi sur les réseaux sociaux. En fait, le but, c'est que les auditeurs viennent partager tout ce moment et tous ces moments un peu inédits qu'on vit chacun de notre côté. En fait, le but, c'est vraiment de se retrouver sur Virgin. On s'est dit que mine de rien, la radio, ça restait le meilleur moyen pour garder un lien social, quoi. Donc les gens nous contactent pour faire passer un message à leurs proches, pour faire part d'un bon plan, s'ils ont mis en place quelque chose qui peut aider les gens qui viennent nous en parler, puis même des belles initiatives, tout ce qui est cagnotte litchi, on en a beaucoup, tout ce qui est les entreprises qui travaillent dans le tissu, qui se mettent à faire des masques et qui vont les donner au personnel soignant, vraiment c'est pour essayer de parler de tout ça, mais avec un peu de légèreté quand même, quoi. Mmh. On est Virgin, donc bon. Ouais. Mais là, c'est là, c'est pour ça que c'était intéressant aussi d'en parler, c'est que c'est une idée qui montre encore une fois l'importance du média qu'est la radio. Ah bah ouais, on espère changer un peu les idées des gens, et puis leur permettre de garder un. On n'est pas fast time, on n'a pas tous ces délires là, on n'a pas l'image, mais on a la voix. Donc si on peut leur permettre de garder un lien social par la voix, bah c'est parfait, quoi. C'est ce qu'on recherche. Oui, mais tu as très bien résumé la chose. Voilà, je cherchais le terme. Oui, voilà, c'est un lien social. Bah ouais, c'est un peu ce qu'on se dit quand on fait l'émission. C'est un peu le maître mot. On essaie de tous se retrouver, voilà. Et de faire cette émission, vraiment, c'est une libre antenne. Donc les gens, même s'ils veulent faire un coucou, je sais qu'il y en a qui m'ont contacté déjà pour leurs grands-parents parce que bah eux ont pas tout ce qui est informatique et tout ça. Et donc ils ont dit à mamie, bah écoute Virgin Radio, machin, je vais te faire un bisou dans l'émission et voilà, parce que bah les grands-parents. Certains, pour leur expliquer Fast Time, faut se lever de bonne heure. Oui. Pas facile. C'est encore un bel exemple, tu vois, de ce que je disais par rapport à la radio et puis le lien que ça peut créer. Bah ouais, ouais, ouais. Et donc, toujours ensemble, du coup, cette émission, c'est une idée que tu as proposée ou c'est la direction qui te l'a suggéré? Alors moi, pour le coup, non, c'est la direction qui me l'a proposée. Ils m'ont dit, bon, bah, Victor, est-ce que t'as assez de matos pour faire cette émission? J'ai fait bah oui, puis je suis chaud, enfin voilà, il y a pas de problème, quoi. Je naviguais un peu à vue parce que j'ai jamais fait ça, mais j'aurais dit ça peut être intéressant et à voir ce que ça peut donner. Et je trouve que plus les jours passent, plus l'émission elle est cool en plus, donc voilà. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que jusque là tu faisais des tranches de flux sur Virgin. Ouais. Alors j'avais fait un peu de best-of de Koé à l'époque et de Camille de temps en temps, mais sinon c'est ouais, beaucoup de flux. Ouais, et donc là c'est ton premier vrai concept, je sais pas si on peut dire ça comme ça, du coup que tu animes, ouais. Et que tu gères. En tout cas une libre antenne, oui c'est plus ou moins la première fois, quoi. C'est où on a autant d'échanges avec l'auditeur. En flux d'habitude les passages avec les auditeurs c'est une petite minute, une trente. Et voilà que là on a le temps de prendre l'auditeur, de parler deux minutes. Enfin voilà, il y a pas de, on n'est vraiment pas pressé par le temps finalement, parce que de toute façon on a rien d'autre à faire. Donc bon. Alors du coup, faire de la radio à la maison, comment tu le vis, comment ton ressenti là-dessus, les points positifs et les points négatifs? Alors moi je le vis très très bien. D'ailleurs si Fredo m'écoute, hop, je reste là et je continue ça. Depuis chez moi. Non, mais les points positifs. Je pense que c'est plus perso et c'est les liens que tu retrouves avec ta famille. Parce que moi, ma famille, avant, je la voyais une fois tous les 2-3 mois. Bon, bah là, ça fait 2 mois qu'ils m'ont sur le dos. Eux, par contre, ont hâte que je me recasse. Mais non, ça c'est cool parce que voilà, tu retrouves une proximité avec tes proches. T'arrives à faire de la radio, c'est alors peut-être pas aussi bien et de la même qualité que quand on est à Paris, mais ça a de la tronche. En vrai, on n'a pas trop honte de ce qu'on fait. Enfin, on n'a même pas honte. Parce que la qualité du micro, elle est cool. Enfin, tout se passe plutôt bien. Si le seul défaut, c'est qu'on n'est plus dans le rythme de la radio. Enfin, on voit plus les collègues, on n'a plus d'échanges. C'est plus rangé. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais c'est voilà, il y a moins de vie et d'interaction entre les équipes, quoi. Oui. Alors... Forcément. Donc c'est ce qui manque le plus, quoi. Mm-hmm. Alors c'est justement ce que j'allais te demander là juste après. Donc tu as répondu sur ce qui te manquait le plus. Mais et du coup, ça te manque aussi cette ambiance qu'il y avait au studio, que tu ne retrouves plus chez toi? Ah ouais, bah si. Bah le studio, quand t'arrives, qu'il y a Julien qui dessine sur ta prog alors que tu viens de la poser. Enfin, si, c'est toute une équipe. En plus, puis Virgin, on a vraiment l'impression. Enfin, c'est une famille. On va pas dire le mot famille parce que c'est déjà pris, mais on est plus comme une colo, quoi. On est tous jeunes, donc il y a une super bonne ambiance et Nancy, ça manque, quoi. Donc t'as quand même hâte de retrouver ta petite colonie. Bah c'est ça exactement, avec toute l'équipe. Alors on parlait de Toujours Ensemble, donc que tu animes dans cette période. Virgin Radio organise aussi quelques petits concerts aussi confinés. Ah bah ouais. On peut dire ça comme ça. Il y a eu Electrochoc, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et là, ils remettent le couvert le 6 mai prochain, je crois, avec la scène française. C'est ça, avec toute la nouvelle scène française. Donc ça, c'est cool, parce que autant l'électro, tu peux pas trop le chanter, que là, avec la soirée du 6 mai, bah, Trio, Clara Luciani, tout ça, tout le monde va pouvoir chanter chez soi, à la maison. Donc justement, si en plus les gens ont la chance d'être confinés en famille, ça peut rapprocher aussi, quoi. C'est là qu'on voit que Virgin reste active durant le confinement et ose lancer des choses. Ouais, non mais c'est ça, et c'est d'autant plus où t'es fier de bosser sur une marque comme ça qui teste des trucs, qui fait des choses et qui s'adapte surtout, parce que d'habitude nos concerts on les fait en plein air, machin. Bah là le confinement, on s'est pas dit bon bah on arrête tout, on s'est dit bon bah on va leur proposer une nouvelle façon de faire la fête entre guillemets et de consommer la musique et de voir des artistes en live, quoi. Et justement ça montre aussi ce lien qui attache Virgin Radio avec les artistes qu'elle met en avant et qu'elle défend aussi. Ouais, exactement, aussi on leur montre qu'on est là entre guillemets quoi qu'il arrive. Et pour les mettre en avant, pour les faire découvrir aux gens, et donc ça aussi je pense que c'est important pour les auditeurs aussi. Ouais, surtout en ce moment. Bah ouais. Et on a bien besoin de musique. Je pense que la musique, ça vraiment, ça te permet de t'évader un peu. Tu vois, tu chantes, pendant que tu chantes et que t'écoutes du trio, tu penses pas. T'es là, t'es bien, tu chantes, voilà. Alors, Victor, on va sortir de la radio pour finir. Moi, je voudrais savoir comment tu t'occupes le reste du temps à la maison. Est-ce que tu as un petit conseil à nous donner ou un coup de cœur musique, série ou film? Alors, alors série, là, je suis parti sur The Protector. C'est pas mal du tout. Me demande pas de faire un résumé parce que l'histoire elle est vraiment compliquée. Je laisserai les auditeurs aller découvrir ça. Et sinon, alors au début c'était beaucoup de ménage, vraiment pour m'occuper. Qu'est-ce que je faisais le ménage? J'ai fait les carreaux de ma chambre, j'avais jamais fait ça. J'ai rangé plein de trucs que je pouvais avoir dans ma chambre d'ado. Donc ça occupe pas mal. Et puis après, bah filer un coup de main quand même dans la famille et aux parents, parce que si t'arrives, tu fais pas à manger, tu te mets les pieds sous la table, ça va pas durer longtemps, quoi. Ah, il m'aurait renvoyé à Paris depuis bien longtemps. Bah, à l'heure actuelle, ça risque pas, pour l'heure. Oui, non, bah, maintenant que je suis arrivé, c'est ce que je leur dis, vous êtes bloqué. Donc, non, ça se passe bien. Bah, très bien. Bah, en tout cas, merci Victor. Merci d'avoir pris un petit peu de temps avec nous dans la mécanique confinée. Bah, avec grand plaisir. Merci pour l'invite. En tout cas, c'était, en plus, je crois, ma première interview. Donc, ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté. Mais c'est sympa. Eh ben, écoute, j'en suis ravi. Et puis, un jour, on te fera venir dans la mécanique des ondes en studio. Avec grand plaisir. Hein. J'attends l'invite, les gars. Et là, ça marche. En attendant, on te retrouve donc sur Virgin Radio tous les jours entre 16h et 20h. 21h même. Non, 16h en ce moment. 16h-20. J'ai fait une heure de moins. D'accord. Et toujours ensemble, donc entre 18h et 20h. Exactement, c'est ça.